Deux voies mènent à l'entrée de ce rond-point. Je ne m'y place pas au hasard. Mon choix a une importance. C'est parce que je veux tourner à gauche ou bien faire demi-tour que je suis ici, de manière à ne pas gêner les usagers qui voudraient tourner à droite ou aller en face. Pour ma part, après avoir cédé le passage aux véhicules qui circulent sur le rond-point, je vais prendre la voie de gauche sur l'anneau et j'intégrerai la voie de droite avant la sortie choisie. Réponse C et D.